Et c'est maintenant que le bifort démarre. Elle crie. Dans ma gourde. Allez, bah ouais, bah Kix, voilà. Il a shoté dans ma gourde. J'arrêterai à prendre, tout le monde se barre. Ah non, c'est moi qui dois me barrer, mince. Mais non, tu viens. Ah, je viens. Mais l'émission démarre, idiot. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, Kix, installe-toi, fais ta vie. Vous êtes en train d'écouter cette émission qu'on a fait le 12 juin. Et tout va bien. On est avec toute l'équipe qui s'installe progressivement. Maëva est en train de pleurer pour sa gourde. Antoine est là. Je suis tombé dans les pommes. Elle va bien. Pour tous ceux qui s'inquiètent, ma gourde va bien. Non, on s'inquiétait pas, je te promets, on s'inquiétait pas. Kix, ça va l'installation? Bah, très très bien, parfait, on est bien ici. On va démarrer cette émission, on a plein de bonnes surprises pour vous. Arrêtez de faire du bruit. Qu'est-ce que tu fais, Maëva? J'ai décidé de faire l'émission comme ça. Mais tu fais du bruit dans ton micro, tu te rends compte de ça? Regarde, là, je suis debout, je tiens le micro dans la main. Non, on dirait que tu fais un bingo et que là, tu vas annoncer des numéros. Alors, pour gagner, on peut avoir une brouette. Brouette, sauf qu'il manque un pneu, mais... Mon ami Antoine peut vous dépanner. Ah, alors attendez, Antoine va arriver et va peut-être apporter la solution à ce pneu manquant. À la brouette qui manque le pneu. Vous aimez la brouette, hein, madame, hein? Oui, c'est bien la brouette. Alors je prends ma grosse clé, je l'enfourne dans le pneu. Et attends, je prends la grosse pompe. Tu fais bien, Antoine, la pompe. Je parlais de l'outil, pas de la position. Brouette. Oh merde, hein, j'ai pas compris. Attends, mais je vais aller me rhabiller, j'arrive tout de suite. Oh, c'est sale. Non mais ça va les gars. On peut commencer le podcast. Bonjour. Des promotions sur le poulet, 10 euros le kilo. En lamelle, en tranche. Un accident s'est produit hier. 25 morts. Aujourd'hui, journée nationale. Les enfants disparus. Les gars, ça va, on arrête là. Merci, on arrête les frais. Voilà, vous vous êtes défoulés, c'est bon? Ouais. Waouh, allez, remettez vos micros, on peut démarrer cette émission. Non, moi, c'est bon. Je veux rester comme ça. En mode debout, là? En mode debout, et je tiens mon micro. On dirait un agent de sécu, hein, vraiment. Avec une grosse bonnette, hein. Ah. Bravo pour une grosse bonnette. Une grosse bonnette. Arrêtez. Bon, merci. Allez, l'émission démarre. Merci de nous avoir choisis. Et mettez 5 étoiles, hein. Mettez des avis, partagez le podcast, ça nous fera plaisir. Le générique que vous allez entendre a été entièrement fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça fait peur. Bonne écoute du programme. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur et ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est du direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Des bons délires, ça leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. On est avec vous pour vous accompagner comme chaque semaine. Merci de nous avoir choisis. On est en total direct, 20h pile. Oh. Yeah. Waouh. Quel homme. Ça c'est la folie. Maëva, ton micro est complètement tordu. On dirait les hommes qu'on a vus à la télé durant ces 2 dernières semaines. Mais ça va. Mais moi je me sens à l'aise. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que le budget de cette émission est passé dans le générique? Probablement. D'accord. C'est pour ça qu'on gagne pas un rond, quoi. Il se peut qu'on a mis les priorités ailleurs. Ouais, ok, non, c'est juste pour savoir. Ok, ça va. Ça s'est senti qu'il y avait un peu de sous là? Un petit peu, ouais. Ok, bon, tant mieux. Merci de nous avoir choisi. Une équipe formidable autour de cette table. Laissez-moi vous les présenter pour que vous puissiez passer une bonne soirée avec nous et remettre un petit nom derrière ces voix fluettes que vous entendez. Refais la voix fluette. Mais non, mais c'est pas ça que t'as fait. C'est pas moi qui fais le bruit. Hein. C'est qui a fait le bruit? Je crois qu'il y a un bruit qui est sorti comme ça de nulle part, de je sais pas d'où. Mais dénoncez-vous! Bah, je sais pas, moi j'ai rigolé, c'était pas fluet, c'était. Ah. Oui, j'ai entendu aussi, mais je sais pas d'où ça vient. Antoine, dénonce-toi. C'est peut-être moi, oui, j'en sais rien. Ah, voilà, on y vient. Mais bon, c'est pas un jukebox, il peut pas le faire sur commande. Non. D'ailleurs, en parlant de ça, Antoine, bonjour. Bonsoir, Jadoul. Comment ça va? Mais ça va bien, et toi? Bah, dis donc, c'est l'été, on met ses t-shirts? Ben oui, ben. On nous prévient à chaque fois qu'il fait très chaud dans ce studio, donc on s'adapte. Oui, on met le budget aussi dans le générique et pas dans la clim. Ouais, et pas dans les recos, oui. Ah, écoutez. Oh, elle est belle. C'est la première chose qu'on lui a dit quand elle a passé c'est la vrai, porte du studio. C'est vrai, même en antenne, tu me l'as dit, c'est gentil. Mais t'es vraiment magnifique. Mais merci. Ah, oh, arrête. Mais c'est beau, mais c'est quoi? C'est de la soie? Non, non, quand même pas. C'est un beau chemisier blanc, elle est vraiment, mais on dirait une enfant du bon Dieu. C'est un compliment, ça? Je sais pas. C'est beau, en tout cas. Bravo, Maëlle. Merci. Bonsoir. Toi aussi, tu es resplendissant, Jadoul. Je t'emmerde. Mais non, mais j'ai vu dans tes yeux que c'était pas sincère. Non, mais bien sûr que si. Tu m'as regardé avec le dégoût. Arrête. Le groupe vit bien, on vous rassure. Tu sais bien que. Tu sais que mon mot de passe ici du PC, il y a ton nom dedans. C'est vrai? Mais oui. Genre Jadoul l'emmerdeur? Non, non, c'est. Non, pas du tout. D'accord. Pas loin. Son mot de passe professionnel comporte mon nom. Ouais. On a jusqu'à la fin de l'émission pour le deviner. Et d'ici là, on va accueillir Kix. Bonsoir. Bonsoir. Comment il va? Bah, je vais très très bien. Alors, vous faites quoi sur Bruxelles? Ah. Tu dis ça parce qu'on va poser la question aujourd'hui, ouais. C'est ça? Alors il a répondu un truc très simple. Oui, alors j'ai dit j'ai un projet sur Bruxelles. Et on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait sur Bruxelles? C'est pour les études? C'est pour... tu travailles sur Bruxelles? J'ai dit non, c'est juste un projet externe. Sinon je suis en études sur Namur, mais je vis à Arlon. Mais donc vous venez d'où? Ben, je viens d'Arlon. Mais alors, mais qu'est-ce que vous faites sur Bruxelles? Bah, j'ai un projet sur Bruxelles. Mais alors pourquoi vous êtes ici? Bah parce que j'ai un projet sur Bruxelles. Mais donc vous vivez à Namur ou à Arlon? Ah, je vis à Arlon, mais j'ai un logement à Namur. Vous avez compris, c'était vraiment relou. Voilà. J'ai fait ça à la friterie, c'était très chouette. Mais pourquoi t'as juste pas dit qu'il y avait la radio et de nous écouter aussi accessoirement après? Non, mais alors franchement, elle aurait juste pu dire je viens, je travaille sur Bruxelles et sinon je fais mes études à Namur. Simple. Ouais, c'est vrai. Pas de débat. Basique. C'est Kix aussi. C'est Kix. Merci. Kix en a fait une très belle cette semaine. C'est son moment. Ah ouais. C'est son moment. Oh, écoute, à chacun son tour. Ouais, chacun son tour. Ouais, j'accepte. Kix, il me dit cette semaine, il faut que je passe par qui si je dois passer par toi. Et moi, j'ai répondu, bah, par moi. Pardon, Kix. Ah, oui, mais donc, qui? Bah, t'as la réponse à ta question dans ta phrase. Bref, du grand Kix. Il a cru que t'avais une assistante personnelle, peut-être. Ah, par contre, on peut faire un petit moment sérieux, là, deux secondes. Ouais. On a une... C'est premier degré, hein. Vraiment, là, c'est... Okay. Y a pas de vanne. Hein. Dans la vie, il y a parfois des choses qui nous font du mal, des choses qu'on ne voit pas arriver. Nous avons appris la disparition... Une idée, quelqu'un? Non, personne ne suit ah, l'actrice. Ah si, Françoise Hardy. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, pardon, mais elle est partie aussi. On l'embrasse. Mais non. Un emblème de cette émission nous a quittés. La copine de Zanger Renus. Ah oui. Qui nous a offert tant de beaux succès. Romana n'est plus. Deborah n'est plus. Mais dans nos souvenirs, elle restera toujours sur le scooter. Elle nous a quittés à l'âge de 51 ans. Pas déconner. Ne riez pas. On lui rend un dernier hommage ce soir en diffusant en entier. Non, peut-être pas. Ah, peut-être pas en entier. Bon, Merci. Ouais, c'est mieux. L'un des hits qui les a fait connaître, Oh Chantal. Ou encore, l'hymne qu'ils ont composé pour soutenir les Diables Rouges. La, la. Nous avons reçu beaucoup de témoignages des stars du show business, hein, comme on l'appelle, se sont relayés pour laisser un petit message pour Déborah. Coucou, bonjour, c'est Chantal Goya. Merci Chantal. Une dernière fois, mes frères, mes sœurs, disons au revoir à Déborah. 3, 4, au revoir Déborah. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. On va se balader à la télédirection ciné. On va rencontrer Christiane. Elle vit paisiblement avec son mari jusqu'au jour où... J'avais mon GSM et je vois les numéros. Et puis j'ai dit allô. Ah ben ici, c'est une voyante. Je voudrais bien te poser quelques questions. Et elle a commencé. Christiane, tu ne payeras rien du tout. Tout est gratuit. Oh bon, d'accord, je dis moi, puisque tout était gratuit. Oh oui, voyance gratuite. Mais à quelques détails près quand même. Elle m'a dit qu'il y a des bougies qui coûtaient plus de 200, 300, 400 euros des bougies. 700 même. Je dis, c'est pas vrai. Moi j'ai des bougies chez Action, moi qui coûtent que 2 euros, 3 euros. Ah même Christiane, ici c'est des bougies spéciales moi que j'ai. C'est des bougies de voyance ici. C'est des bougies de chez Apple, c'est pas possible. À ce prix-là, ouais. C'est vrai, ça. J'ai des bougies de chez Action. iCandle. Wow, iCandle. Wow. Ça donne bien. Introducing iCandle. Et le prix sera de 7 400 $. Bon bref, avec ou sans ces bougies, les séances marcheront. Enfin, je l'espère pour elle. Bon, pas le choix, elle achète les bougies. Ok. Allez. Mais alors, ça va l'aider à quoi? T'as quoi en plus quand t'achètes les bougies? Je sais pas, tu gagnes à la loterie? Tu vas gagner, Christiane. Ah. Tu vas gagner de la loterie nationale. Ça fait qu'après, le lendemain, ou sur le lendemain, elle m'a ressonné. Ah ben, Christiane, tu as gagné. Hein? Et combien? Mais tu as gagné 145 000 euros. Oh, mais non, et vous l'avez cru? Je l'ai cru. Oh. Je l'ai cru. Ah bon? Et... Mais vous êtes sûr que... Je l'ai cru. Ok, ça va alors. Et l'histoire de la loterie, vous... Je l'ai cru. Ok, ouais, ça tout, va alors. Je l'ai cru. On a cru. Bon, les mois passent et Christine ne voit pas ses gains. Où est-ce qu'il est, mon chef? Pardon? Christiane. Christiane, oui, Christine, c'est ta maman, pardon. Où est-ce qu'il est, mon chef? Ah ben écoute, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Ah, ça, je m'en doutais bien, encore quelque chose. C'est tous les vendredis quelque chose qui ne va pas. Je devais payer des frais, de la loterie et tout ça. Bah, dans le doute, il faudrait peut-être appeler la loterie, histoire de vérifier. J'ai sonné plusieurs fois la loterie ici, la Belgique, pour voir. Arrêtez, Madame Depré, c'est faux, c'est pas vrai, c'est une arnaque. C'est une arnaque, tout ça. Trop tard, parce que 3 ans plus tard, on apprend que Christiane a versé près de 50 000 euros à la voyante, en espérant toucher la somme soi-disant gagnée au loto. Regardez, ici, j'en ai pour 47 000 euros 537. Je dis, j'en peux plus des fois. Oh là là là là là là. C'est pour venir dingue, ça. Dingue. Un sacré paquet d'argent. Alors, généralement, dans Images à l'appui sur RTL TVI, l'émission qu'on écoute là, ouais, ça s'arrête. Normalement, c'est la fin du reportage là. Ouais. Sauf que... Elle a volé tout mon argent. Et maintenant, j'espère qu'on va récupérer mon argent. Je ne demande que ça. Cette fois-ci, c'était une rediffusion parce qu'ils ont récupéré l'argent. Oh, oui, ça va, là, c'est la bonne nouvelle. 50 000 euros sont revenus sur son compte en banque. Trop bien. Oh. Donc on n'a plus qu'une chose à le dire. Bravo la image à l'appui, pardon. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, vite raconté. Maëva disait, elle va poster une photo de nous sur son Instagram parce que ça fait longtemps qu'elle n'a plus posté de photos sur Instagram. Non, parce que ça fait longtemps que je dis que je dois la poster. Voilà. Ouais. Et le truc, c'est que je suis pas sur la photo. Et elle me dit, mais comment ça se fait? Je lui dis, c'est moi qui prends la photo en fait. C'est normal, je peux pas être sur la photo. J'ai oublié que. C'est... Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. C'est la fin de saison, écoutez. Très sympathique en tout cas, comme histoire. Toi, la ramène pas. Pourquoi? T'es mais... pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir. T'es pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est ça, c'est ça. Et alors. Maëva disait, justement, j'ai jamais publié de photo qui montre ma passion, la radio. Ouais. Alors, on veut lui faire une belle photo parce que, comme elle est canon aujourd'hui. Ah oh. Elle a habillé en pharmacienne. C'est vrai. Mais c'est sexy. Et on s'est dit, il faut lui faire une photo. Donc, on commence tous à sortir nos appareils, on fait des photos. Et tout ce qu'elle fait comme pose, c'est ses deux mains sur sa tête en mode j'en peux plus. Donc, on a juste des photos d'une meuf en burn-out. Alors qu'on est qu'en juin. Posez-vous les bonnes questions, vous trois. Voilà. Ah bah oui, c'est pas de notre faute. En plus, ça va être notre faute. On s'amuse en antenne. Ah, c'est fou, hein. Et là, on a perdu 20 minutes. Hey, si je vous dis le grand séducteur qui fait tout par quatre, marié quatre fois, il a eu quatre enfants, en moins, il est en couple maintenant depuis quatre ans, vous me dites. Ok. Un petit indice. Maëva ? Un petit indice, tu veux? Oui, vas-y. Tu veux, zizi. Oui. C'est lui. Ah, Kix, tu veux un petit indice? Ouais. Salut Kéliane, c'est de la part de Emilien. C'est qui Emilien? Non, c'est pas Emilien la réponse. Kéliane, fan de Francky, ne lâche rien, hein, t'as bien raison, pourvu que ça dure. Ton idole Francky, oui. Tu veux mon zizi? Oui, je vais te le donner. Non, faites-le en version Kix. Vas-y Kiki, c'est bon. Voilà. Vas-y Kiki, c'est bon. Vas-y Kiki, c'est bon. Vas-y Kiki, c'est bon. Donc on parlait de qui? Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui, je vais te le donner, Alors hier soir, je regardais un reportage sur les franchises des Camping Paradis. Waouh, une soirée de malade. C'est pointu, hein. Mais c'est vrai. Non, j'ai découvert que la série Camping Paradis TF1 avait lancé une franchise et que partout en France, il y a un Camping Paradis qui existe pour de vrai. Et j'ai vu qui était invité pour la soirée d'animation au camping, dans un tout petit camping. Le Francky Vincent. Oui. Incroyable. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il est devenu à faire des petits campings? Heureusement, RTL a fait une émission qui porte le nom Que sont-ils devenus? Il a maintenant 65 ans et il s'est acheté un manoir de 300 mètres carrés. Bienvenue chez Francky Vincent, le meilleur artiste de tous les temps. Allez, on va visiter mon noble demeure. Allez, suivez-moi. Une vie plus seule. Je vous présente sa compagne depuis... il est en couple depuis 4 ans. Doudou Aziza, c'est son prénom. Alors, c'est elle qui a trouvé le manoir. J'étais partie pour acheter un appartement. Et puis après, je me suis dit, on va regarder ce qu'il y a de mieux. Et donc, je suis tombée sur deux châteaux, dans celui-là. Mais comment ils ont eu l'argent de s'offrir un château? Pour s'offrir ce château, le chanteur a revendu des biens immobiliers achetés avec le million d'euros gagné grâce à son titre, Fruit de la Passion. Voilà. Ok. Pourquoi pas? Donc, morale, Maëva. Il a tout acheté grâce à un titre. Donc, on retiendra qu'on peut faire beaucoup de choses avec un... Un Fruit de la Passion. Un zizi. Tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Bon, dans quelques instants, en parlant de Maëva, sans transition. Le fallait nous le dire plus tôt. D'où vient l'expression tomber dans les pommes? Oh bah dis donc. Oh. Tu veux mon zizi? Oui, je vais. Ok, d'accord. Tomber dans les pommes? Oui. Il y a une vraie raison à ça? Ah ouais. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait. Non. Alors, pas dans les pommes. Notre radio. Pas dans les pommes. Ah ben non. Vas-y. Mais c'était pas moi. Non, c'était pas toi. Tomber dans les pommes, je dirais que c'était par rapport à l'époque, comme dans les films, on les voit, ils pressaient ça avec leurs pieds dans les grandes bassines. La chance. Les mecs, ils tombaient. Non, en vrai, c'est marrant, il y a une petite morale à la fin, je trouve. Il y a une morale de tomber dans les pommes. La morale de... Tu veux mon zizi ou... Non, encore une autre. Ah d'accord, ok. Bon bah si vous avez des idées, n'hésitez pas. Antoine, une idée peut-être, tomber dans les pommes? Je sais pas, ça veut... en lien avec le vertige? Non, c'est ce que le vertige et les pommes ont à voir. Déjà, est-ce que c'est en lien avec les fruits pommes? Non. Ou c'est genre les pommes d'Adam? Est-ce que c'était quelque chose qu'on faisait avec les pommes à l'époque? Non. Est-ce que c'est lié à la forme de l'objet? Non. Ah bah attends, on va avoir toutes les réponses, là, on peut plus, là. Bah non, t'as bien vu qu'on trouve rien, là, depuis tout à l'heure. Bah oui. On est à 1000 bornes de ce qu'il faut trouver. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vous cherchez une idée détente et balade loin du stress des villes? Venez vous ressourcer sur le site du Caillou Cubic à Roisin, situé au cœur du parc naturel de Mons. Envie de faire une halte désaltérante et d'apaiser une fringale? Le chalet du Garde à Roisin, c'est un endroit incontournable pour suspendre le vol du temps devant un bon produit ménager ou autre, mais aussi en boissons diverses. Oui, l'essentiel, la gémothérapie, les compléments alimentaires, l'été noir, vert, blanc, sans oublier leur dépression et le burn-out. Vous apprécierez au chalet du Garde un nid de guêpe ou un nid de frelon asiatique, avec possibilité par beau temps de déguster à l'extérieur sur leur terrasse ensoleillée avec parasol perméable. Le chalet du Garde vous accueille en juin, juillet et août de 11h à 11h, numéro 18 chemin du Caillou Cubic à Roisin. À l'orée du bois, prendre le chemin forestier sur 1 km. En allant sur Google, au bout du chemin, vous trouverez la taverne et petite restauration Le Chalet du Garde. Téléphone 065 75 41 40 25 91 78. Visitez le site lechaletdugarde.com. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Que son cœur est... C'est le retour de Maëva, double M. Ouais. Pourquoi double M? Parce que... Ah oui, mais... M&M. Maëva la molaire. Oui, voilà. Allez, bon, d'où vient l'expression de tomber dans les pommes? Kix, une idée? Je sais pas, je disais peut-être tomber sur la pomme d'Adam à chaque fois, paf, quand tu tombes dans les pommes, peut-être tu tombes sur... Non, ah oui, c'est okay, un rapport super. Avec la guillotine, peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Norme. Antoine, une idée? Comment il s'appelle l'autre là? Celui qui prend les photos. Alors, tomber dans les pommes, ça date de l'ouverture du premier Apple Store. Quand les gens sont entrés dans l'Apple Store, ils ont vu le prix des mecs, ils se sont évanouis. Toi, t'es en non, colère. C'est pas ça? Non. T'as de la colère contre Apple cette semaine. Pourrait. Non. Non, du tout. Oh là là, il va cracher son venin dans sa chronique dans quelques instants. Ah, on va manger des pommes tout à l'heure. Jadoul? Alors, moi, je dirais que tomber dans les pommes, ça vient de la bourgeoisie qui commandait des brouettes de pommes. Et en fait, la duchesse du château disait « Oh mon Dieu, ce ne sont pas les pommes que j'ai demandées !» Très bien la duchesse. Oui. Encore mieux. Et pouf, je vous pousse dans les pommes. Et donc là, le mec qui livrait les pommes tombait dans les pommes. Et ça vient de là, l'expression. Pas du tout. Une piscine de pommes. Non, ouais, non. Non. Ok, c'est pas ça du tout. Oui, merci, je peux y aller. Alors, il y a un rapport avec la bourgeoisie, faut le dire, parce qu'en fait, pomme avant, c'est une pomme. Oui. Non, parce que c'était pas pomme, mais pâme. Les pommes. Tomber dans les pâmes, en fait, du verbe pâmer qu'on utilise encore. Donc, en fait, perdre connaissance. On dit ça pour les bébés, il s'est pâmé. Tu sais, quand tu perds connaissance. Et donc, c'était tomber dans les pâmes. Sauf qu'en fait, c'était du langage soutenu. Et le petit peuple, quand il l'a dit, il l'a mal prononcé. Et il a déformé ça en pomme et c'est resté. Donc, en fait, tomber dans les pommes, normalement, ça vient pas du tout de ça. Et je trouve ça assez marrant parce que si ça tombe, à force de déformer les bons trucs, dans 100 ans, ce sera normal de dire il faut sacher que, ou comme même, ou la retourne va tourner. Voilà. Ça va avec ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment ça, c'est une erreur comme le ça va qui a mal tourné. Maman. J'adoue. C'est la langue qui évolue. Je sais pas si c'est évolué ça. Bah, il faut sacher que. Oui. Et ça se trouve, en fait, Kix est ultra précurseur. Mais... Ça se trouve, en fait. Il parle comme un pied depuis des années, mais ça se trouve, il est juste le langage de demain. Les gars, j'ai du futur. Trop en avant sur ce. Il y a juste personne qui me comprend parce que voilà, mais j'ai du futur. Ah ouais. Bravo, mais Kix. Mais... C'est quoi, je te sers la main? Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Ou c'est moi. Hein. frotte sur ton pantalon, Jadoul, ça. Voilà. Mais non, ça fait une trace. C'est dégueulasse. Titre. C'est le verre d'eau que tu m'as passé, bah tout est ressorti par la main, tu vois. voilà, merci. En fait, il va pas aux toilettes, il soigne, c'est tout. Oh ouais. J'ai un problème de joint, c'est comme ça. Les gars, je m'arrête de parler deux secondes dans cette émission, c'est cette direction que ça prend. Allez, on enchaîne. Allez, annonce la suite, Maëva. Au moins, ça sera mieux. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va retrouver notre super. Notre voyant, ah, notre oui, voyant. Nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. Écoutez ma belle voix. Ah ouais. Suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Merci de nous avoir choisis. Grand moment. Notre voyant bien-aimé, Dominique Vegas, est là pour débuter le Vegastral, sa séquence de voyance qu'on retrouve chaque mercredi à la même heure. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jadoul. Quel est le signe fort de cette semaine, Dominique? Le signe fort? Non, ça c'est un bras d'honneur, Dominique. Vous voyez où vos imprécisions vous conduisent? On dit signe du zodiaque, Jadoul. Et ce sont les béliers. Mais pardon, peut-être pas précis. Signe du zodiaque. Okay. Ah. D'accord. Ah oui. On va être tatillon hein, sur les détails, d'accord? Dès toujours, maintenant. Toujours. Okay. Que réservent les cartes de Dominique Vegas aux béliers cette semaine? Voici le tirage. Ah, c'est confus. Quel brouhaha. Bélier, ne confondez pas envie futile et véritable besoin. Sinon, vos finances s'en ressentiront. Vous aurez l'art de galvaniser les énergies et de communiquer votre envie de gagner à ceux qui travaillent avec vous. Entendu. Claire n'est efficace. Ah oui. Le conseil du jour, Dominique, le conseil que les auditeurs attendent tant et qui ont fait votre réputation. Bien sûr. L'idéal serait que vous pratiquiez une activité physique régulière. Si vous n'aimez pas le sport, faites de la danse. Comme ceci. Passe assez, pirouette et saut. Vous voyez ? Un homme de mon envergure peut effectuer ce pas de danse très simple. C'est tout bête. C'est 27 calories de perdu. Allez, je me rassois, mon ami. Dominique ? Ça va ? La scie s'est cassée. J'ai le piston dans... Oh, je me suis fait pistonner. On n'avait pas prédit ça. Les cordonniers sont les moins bien sucés. Je sais. Je sais, eh bien, pour quelqu'un qui consulte les astres, on peut dire que vous avez fait la météorite. Hein. Bon, allez, on va essayer de sortir Dominique Vegas de la cave. Allez, se levit bien le oui. Piston. Non, c'est bon, retirez le piston, s'il vous plaît. Allez, fin de la séquence d'astrovoyance, on revient la semaine prochaine, merci Dominique. Une équipe bourrée de talents visuels. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast, tous les mercredis. Combini. L'interview Combini, c'est simple. On prend l'original, on la garde et on fait des réponses identiques, mais on décrit des questions. Du moins, l'équipe prépare en last minute. Non, aujourd'hui, j'ai fait bien à l'avance. C'est vrai? Ouais. Donc t'es en train de griller à l'antenne que c'est pas de l'impro? Non, c'est assumé, on le prépare. C'est ça qui fait peur en fait. C'est qu'ils ont toute la journée pour le préparer et ça va donner ce que vous allez entendre. On appelle ça l'interview combinée car ça vient de Combini et le moins drôle se prend un coup de... Combiné. Combiné téléphonique pour ceux qui nous rejoignent. Si vous avez connu. Oui, oui le vieux téléphone. Vous me passez s'il vous plaît Oui, votre fille, oui, j'aimerais bien. Elle n'est pas à la maison, mais pourquoi j'entends sa voix? Ah, je ne suis pas un garçon fréquentable, d'accord. Alors, cette semaine, notre invité, c'est l'acteur, le réalisateur, le scénariste Vincent Lindon qui est avec nous. Bonsoir. One, two, one, two. Oui, oui, le micro fonctionne, c'est bon. Vous pouvez y aller, hein, on vous entend parler. Pas de photos, s'il vous plaît. Non, non, mais les photos, on les a faites à Maëva, là, c'est fini, vous inquiétez pas. Maëva qui est en train de... Voilà, vous connaissez Maëva? Elle a eu son bac? Non, je crois pas. Mais c'est quoi cette question? T'as eu ton bac? Ben, je suis pas française, donc non. Enfin, mais non, mais l'équivalent... J'ai eu mon CESS, oui, oui, oui. Ça, moi, c'est moins classe, le CESS. Oui. Bac, c'est charmant. Il y a un truc, ouais. Bon. Un dernier petit mot, parce que là... J'essaie d'être quelqu'un d'aimable. Pour le moment, c'est pas très réussi. Hein. Merci. Interview combinée avec Vincent Lindon. Donc, on commence avec Antoine. Voici la première question. Et quand on m'a conduit à mon premier cours pour le permis de conduire... J'ai vu une sorte de monstre énorme, un être exceptionnel. Non, c'est Angélique qui t'accompagnait. Qu'on embrasse. Hein, c'était quoi le monstre énorme? La voiture. Ah, le bolide. La bolide. Ah. La rutilante Peugeot, je sais plus combien. Oh putain. Ah, les voitures d'auto-école, elles sont bien. Elles sont bien. Maëva. J'ai enfin décidé de faire les poussières sur le dessus de ma garde-robe et... J'ai vu une sorte de monstre énorme, un être exceptionnel. Mais non, c'est un crush que t'avais oublié au-dessus de l'armure. Oui, je l'avais oublié. Oups. Ça va être sympa chez toi. Kix. Quand mes parents me demandaient pourquoi je me cachais sous la couette quand j'étais petit. J'ai vu une sorte de monstre énorme, un être exceptionnel. Mais c'était ton pubis. Oh. Je suis ravi, merci. Maëva, ça t'apprendra à pas faire les poussières. Bah déjà, oui. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Troisième question, Antoine. Deuxième. Ce que devaient se dire les participants à l'Académie des Neufs. On était 10 en tout. Ah oui, avec l'animateur. C'est vrai. Si vous regardez les archives de l'Académie des Neufs, là, ça s'adresse aux générations VHS, c'était laid, parce que en fait, tu sentais qu'un mec en régie faisait des croix et des ronds sur l'image. T'avais l'impression que quelqu'un avait un stylet, un iPad à l'époque, hein, et faisait des trucs à l'antenne. Un vieux pad. Oh, et la version avec Benjamin Castaldi. Comment il l'a défoncé là dernièrement. Ah ouais, parce que Benjamin Castaldi a voulu relancer l'Académie des Neufs sur une chaîne que je citerai pas. On se demande pourquoi. C'était très bien produit, hein, ça y a rien à dire. Oui, bien sûr. Moi j'ai trouvé ça très bien personnellement. Je n'ai rien à dire. Bravo la chaîne. Et pour de vrai. Allez. Et Benjamin Castaldi a dit ce qu'il en pensait. Bah, deuxième question. J'ai créé un groupe fan pour mon chien. On était 10 en tout. Oh. Oui, toute ta famille. Elle a ramené Dobby chez moi vendredi soir. Oui, il est trop chou, hein. Kix, troisième question. Oh. Deuxième. Vous savez ce que mon psychologue m'a dit? On était 10 en tout. Dans ma tête. Oui. Oh, vous êtes tous drôles. Pas de coup sur celui-là. Vous êtes bien aimé. Oh, c'est gentil. Merci. Troisième, soyez bon, c'est la dernière, on termine là-dessus. Antoine? Quand est-ce que je joue avec mes gros câbles et mes grosses pommes? Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Et dimanche soir, hein. Faut le rajouter. Dimanche soir, oui. Allô? Oui. Oui, oui, je sais, Angélique, je sais. Un jour, peut-être toi aussi, ce sera... Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. T'embrasse. Je suis désolé, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui n'a rien à voir. Maëva. Mais en vrai, je fume pas souvent, juste le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. J'ai cru qu'elle faisait une contrebande dans sa voiture tellement il y avait de clopes. C'est pas vrai, en vrai, je fume vraiment pas tout le temps, souvent, rarement, jamais. Je fume pas en fait. Allez, Kix, troisième question. Ouais. Depuis que je suis célibataire, je mange des pizzas. Le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Et quand t'étais en couple? Bah, je mangeais des pizzas. Le lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Ça n'a jamais changé. Oh, c'est bien, Maëva. Tiens. Oh, c'est ta semaine, voilà. C'est tout. Non, mais c'est pas grave. Oh là là, les mauvaises fois. Non, ici. Mais hé, j'ai rien dit. Oh, l'esprit de compétition. Je n'ai rien dit. Voilà. Allez. J'oublie pas. Un mot fair play. Fair play. Merci. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Mercredi, Jadoul. Oh. Il y a eu un événement qui a cloué au lit Antoine. Oh. Non pas parce qu'il était malade ou contrarié, juste parce qu'il était content de voir la WWDC 24. Alors non, ce n'est pas une voiture de course, c'est la conférence d'Apple. Oui, c'était un événement geek, un événement tech de la semaine. C'était la conférence annuelle à destination des développeurs. Une conférence de 2 heures en 2 parties. Je me suis demandé s'ils nous avaient écouté, qu'ils se seraient dit, bah tiens, on va faire 2 heures, 2 parties différentes. Alors d'abord, on a une grosse partie qui était dédiée à la mise à jour majeure annuelle des systèmes d'exploitation. Et puis ensuite, l'arrivée d'Apple dans un domaine, on l'attendait quand même depuis un moment, un bon moment. C'est toutes les musiques qui viennent de la conférence. Hein. Ah, bien, c'est vrai ? Ah oui, je te jure. Ça, c'est les musiques de la conférence. Tout à fait. Et c'est, hey, bossé, c'est bossé comme émission. Attends. On s'est amusé à la conférence. Oh là, attendez. Et quoi de neuf cette année pour les utilisateurs d'Apple ? Eh bien, toujours plus de fonctionnalités déclinées entre tous les appareils, des systèmes d'exploitation toujours plus matures. Donc, à vrai dire, quand même compliqué de sortir des fonctionnalités avec un effet waouh, il n'y a plus la révolution comme il y avait à chaque conférence d'Apple. Ils ont tout fait. Quelques années, voilà, ils ont un peu tout fait. Alors, s'il faut retenir 5 nouveautés majeures, bah, par exemple, on va pouvoir réarranger ses icônes et widgets comme on veut sur son écran d'accueil, sur son iPhone ou son iPad, un peu comme sur Android. Voilà. Alors, ouais, ben on peut pas déjà les mettre correctement. Non, c'est collé sur le coin haut gauche de ton écran. Tu peux pas faire comme tu veux. Là, tu pourras vraiment faire des grands trucs moches. Voilà. Tu peux t'asseoir sur ton iPhone et faire une méga belle mise en page. Ouais, okay. Et colorer toutes tes icônes d'une certaine couleur. Si t'aimes par exemple le violet, tu peux mettre toutes tes icônes en violet. Je vais faire un aparté. La force d'Apple jusqu'ici, c'était de proposer des produits jolis. Là, ils donnent la main complètement à l'utilisateur. C'est ce qui fait que, à partir du moment où tu laisses choisir à l'utilisateur les couleurs, tu peux faire tout ce que tu veux de mauvais goût. Voilà. Alors, je dis pas, tu peux être vexé en disant « Mais non, je sais choisir mes couleurs. » Non, non, personne ne sait choisir les couleurs. Il n'y a que des designers qui savent pourquoi c'est bleu et pourquoi c'est rouge. J'ai vu des essais là, en ouais. Rose fluo. Wow. Même les démos d'Apple sont pas ouf. Ah non, c'est pas beau. Là, c'est vraiment... il n'est pas là, Steve Jobs. Hein. Bon, sinon dans le reste, Apple va sortir une application mot de passe avec tous les mots de passe de vos comptes, vos réseaux Wi-Fi par exemple, tout regroupé en un endroit. Ça existe en fait déjà dans les réglages système de l'iPhone et du Mac, mais là ce sera vraiment une application dédiée, arrivée d'un mode jeu qui va réduire la latence en Bluetooth et minimiser toute l'activité en arrière-plan. On va pouvoir piloter son iPhone depuis son Mac, glisser, déposer des fichiers depuis son ordinateur vers son téléphone et même recevoir les notifications de l'iPhone sur macOS. Ah, ça c'est bien. En gardant ça. Le téléphone verrouillé, c'est-à-dire que tu peux piloter ton iPhone depuis ton Mac, avoir ton iPhone à l'autre bout de la pièce et si quelqu'un passe par là, il ne verra rien de ce qui se passe. Donc je laisse mon iPhone près des regards indiscrets de Maëva. Elle verra pas que je la trompe parce que les notifs arrivent sur mon ordi. C'est ça. Ça se passe comme ça. Voilà. Okay. Non mais j'ai rien dit ma chérie, fais pas gaffe. Et on peut hacker aussi comme ça du coup. C'est pas une forme de hacking ? Ben non. Bah, on a accès à un téléphone à distance sans qu'on le voit. Mais le tien. Mais oui, le tien, mais si quelqu'un de malveillant. Oui, si quelqu'un de malveillant passe par là, t'as oublié de verrouiller ta session. Kix, tu sais déjà pas déverrouiller un ordinateur. Donc... Je prends sur moi. Allez. Tu prends cher surtout. Dernier point, c'est la calculatrice qui arrive sur iPad et en fait sur. Vous déconnez, mais ça fait 14 ans qu'on attend la calculatrice sur iPad. Sérieux ? Il n'y a jamais eu de calculatrice native sur iPad. C'est la première année qu'Apple sort la calculette. Et il va y avoir même un mode qui va permettre de résoudre les calculs et les équations simplement en les notant du bout des doigts ou du pencil sur l'écran. C'est le truc que j'aurais adoré avoir pour mes cours de maths il y a 15 ans, en fait. Qui est en train de seulement arriver maintenant. Voilà, donc ça c'est en gros les grosses nouveautés qu'il va y avoir sur les différents systèmes d'Apple. Mais le gros là-dedans de la conférence, ce qu'on attendait impatiemment, oui. C'est la deuxième heure. Et oui, on attendait tous Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle. Du coup, Apple se lance dans le domaine de l'intelligence artificielle avec ce qu'ils appellent Apple Intelligence, toute une série de fonctionnalités qui vont être disponibles partout, à travers les applications, à travers les différents systèmes d'exploitation d'Apple. Alors, parmi ces outils, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve des outils d'écriture, comme par exemple réécrire un message dans un style plus formel ou plus familier. Ah, par exemple, à ton patron, j'ai pas envie de faire ce que t'as envie de faire, moi je ne comprends rien. Là, ça va te le réécrire en disant, voilà, tu pourras... vous cordialement. Voilà, je suis dans l'incapacité de faire cette tâche cordialement. Et tu m'as écrit ça ce matin, toi. Tout à fait. Voilà, il y a la correction de l'orthographe aussi qui va entrer en jeu. Il y a aussi la possibilité, ça c'est un truc qu'on voit déjà chez Samsung, possibilité de résumer un long texte. contexte en quelques points. À l'instar d'une autre intelligence artificielle bien connue, Midjourney, l'OS d'Apple vont pouvoir générer des images ou des emojis sur simple requête, ce qu'on appelle un prompt. Donc si tu veux une image de Jadoul dans l'espace à bord d'une fusée avec le scooter de Zingerinus, eh bien il va tout pouvoir te générer d'un coup d'un seul. Ah, oh, je veux. Moi aussi. Pour fond d'écran. Est-ce que tu peux me mettre en train de conduire un train ? Par exemple, ce sera possible. SNCB ? Ce sera possible. Moi, j'ai deux rêves dans ma vie. Aller un jour dans la cabine du pilote du train. Et un jour faire une annonce. Ah. Bah, en direct, là, vas-y, fais une proposition et ça va peut-être t'arriver pour du vrai. C'est quoi ? Je vais un peu réfléchir et je laisse Antoine finir d'abord. Allez, deux dernières nouveautés. Une bonne nouvelle pour les journalistes. Ça, c'est intéressé. Ah. L'iPhone va permettre l'enregistrement des appels téléphoniques. Et ah bah oui, il était temps. Et la transcription des conversations. Parce que nous, on avait un vieux câble là pour brancher et enregistrer les trucs. Ouais. Ah, voilà. Les galères que ça va être, les meufs qui vont enregistrer les appels. Enfin, oh, tu vois que tu m'as dit ça. Oui, alors le truc, c'est que quand tu appuies sur le bouton enregistrer... T'as une notif. Voilà, ouais, c'est quand même notifié que... Après, je dis ça, je dis rien, mais Sony Ericsson le faisait déjà en 2006. Hein. Et puis enfin, grosse amélioration pour Siri qui va enfin comprendre le contexte quand vous lui posez une question, si vous poser plusieurs questions successivement, il va comprendre le contexte, il va faire des liens entre les différentes questions que vous lui posez. Siri qui s'enrichit aussi d'un accès gratuit au dernier modèle de ChatGPT. Donc s'il n'arrive pas à accéder à votre demande localement sur l'appareil, parce qu'évidemment le gros truc d'Apple c'est la confidentialité, la sécurité, etc. Donc pour eux, il faut que le plus grand nombre de requêtes possibles soient traitées localement sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac. Pour pas que toutes tes demandes aillent dans le clou. Mais voilà. Il est temps, parce que Siri, il est bête. Hein. Parfois, alors, quand Siri, tu parles à Alexa ou quoi, ça va, mais Siri, waouh. Mais donc maintenant, s'il ne sait pas traiter l'info localement, il va d'abord aller sur les serveurs d'Apple. Et si Apple ne sait pas, il va aller demander à ChatGPT. Il va vous demander l'autorisation de pouvoir traiter les données par ChatGPT. Donc voilà, ça, ce sont les grosses nouveautés de ces mises à jour gratuites disponibles à l'automne. Apple.com, je vous recommande pour la complète des nouveautés et pour la liste des appareils compatibles. Attention, pour les fonctions d'intelligence artificielle, il faudra au moins l'iPhone 15 Pro, un iPad ou un Mac avec une puce M1 ou supérieure. Donc si vous avez encore un vieux Mac avec un processeur Intel, vous ne pourrez pas faire fonctionner toutes ces nouveautés d'intelligence artificielle. Ah non, dis pas ça, j'en ai un à revendre, moi. Ah, il faut trouver quelqu'un qui ne soit pas stressé par l'intelligence artificielle. Qui n'est pas à l'antenne, qui ne nous entend pas, pas un auditeur. Et surtout que ça va décoter... Donc je vais le vendre avant que ça sorte. Ah, avant l'automne. Oh merde. Ok. D'accord, bon, c'est noté. Et alors surtout, dis-nous le nouveau nom. Le nouveau nom du nouvel OS. macOS Sequoia. Oh. Ouais, j'ai adoré. Vraiment, la conférence, quand ils l'ont annoncé, il y a eu cette musique. Par contre, bon amusement pour pouvoir écrire Sequoia sans l'avoir vu d'abord. Ah oui, c'est chaud. C'est S-E-Q-U-O-I-A, je crois. Ah oui, ils se sont pris la tête, quoi. Mais oui, c'est pas le mot. Catalina, c'était plus simple, quoi. Pourquoi ils sont fans d'arbres ? Il y a un petit running gag chaque année. Ils disent qu'ils ont mis une équipe de marketing de fous furieux pour essayer de trouver dans la région de la Californie où ils sont le nouveau nom. Et en fait, c'est le running gag chaque année. Okay. Et donc là, cette année, c'est Sequoia, puisqu'il y a beaucoup de Sequoia en Californie. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce train C à destination de Bruxelles Midi. Les prochains arrêts de ce train sont... J'ai oublié. Ah, Sequoia. Bruxelles non, centrale. C'est pas comme ça qu'on fait. Arlon, Marbelan, Libramont, Rochefort-Gemelle, Marlois, Ciney, Namur, Jambou, Otigny, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schumann, Bruxelles-Nord, Bruxelles centrale et Bruxelles-Midi comme gare terminus. De ce train. C'est nul. C'est pas ça, moi. Moi, j'aime pas ça. Quoi, moi, j'ai toujours rêvé de faire la petite voix qu'il dit. La petite voix. Mais oui, dans le train, ça fait le train hissé à destination. Non, c'est pas dans le train, sur le quai. C'est sur le quai. Elle est pas bien, la dame. Non, elle parfois, pas bien. Ils le font. Ah non, t'as une voix qui fait non. Le prochain arrêt est... Marbeur. Oh, mais c'est Marbeur. Ça, c'est les nouveaux ça, trains c'est de mer. Les Désiro, oui, les tout pourris, là. Oui. On peut faire cette discussion en antenne. Allez, oui, merci. Oui, oui, oui, et surtout, manger des pommes. Manger des pommes. Le générique que vous allez entendre a été entièrement fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle. Bouh, ça fait peur. Bonne écoute du programme. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur et ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Ce sera marrant. On s'en fiche du reste. mercredi. La Trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Merci de nous avoir choisis. Comme chaque semaine, on est là pour vous accompagner. C'est la deuxième heure qui démarre. Deuxième heure, est-ce qu'on ne mériterait pas une certaine exclusivité? Est-ce qu'on ne mériterait pas peut-être un gentil cadeau pour Kix? Ouais. Qui nous arrive par surprise. Allez, allez, petite surprise pour toi, Kix, écoute. Coucou mon kiki d'amour, c'est ma moulette. On peut nous le mettre. Allez, en fois plus normal peut-être. Ouais, vas-y. En vitesse normale. Coucou mon kiki d'amour, c'est ma moulette. Non, tu l'as mis en ralenti. Je voulais dire un très grand, grand, grand bonjour. Un très, très, très grand coucou à toute l'équipe. Coucou. Je vous fais des bisous. Un tout, tout, tout gros à toi en particulier. À Kix, donc. Et ma moulette vous écoute. Bah, allô, c'est... quoi. Bisous, bisous, bisous. Ah ben bisous, ben merci, on vous embrasse. Bisous la maman de Kix. Christine. C'est gentil. Oui, bisous maman et je t'aime, comme ça. Oh, c'est trop chaud. Si elle nous écoute toujours, hein. Si elle ne m'écoute plus, je l'aime plus. Ah, là, elle a, ah, elle a tout fermé là. Tu es renié sur 25 générations. Ah oui, c'est sympa, il y a une chouette ambiance avec ta maman. Oui, non, je rigole. J'ai passé de chouettes moments avec elle là, ces jours-ci. Ah, ah, j'ai vu, elle a mis des publications. Bah oui, évidemment. Oui. Ah, il fallait voir ça. Mais non, c'est trop mignon. Les publications des mamans, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Non, mais maintenant, c'est moi qui fais les photos. Donc en soi, je vois un peu ce qu'elle va poster. Donc ça me rassure un petit peu. Voilà. Ouais, enfin, les photos qu'elle fait de toi, c'est pas toi qui les fais. C'est vrai. Ça vous dit qu'on fasse les inflops? Oui. Ah. Allez, c'est parti, les inflops. Cette semaine, la première. Il s'appelle MC Baba. Vous ne le connaissez pas par hasard? Pas du tout. Non, je... MC Baba, c'est un rappeur. Ah. Il cartonne partout dans le monde. Oh. Dans le monde. MC Baba, c'est le premier rappeur muet. Ok. Mais... Il peut émettre des sons sans vraiment parler. Oh mon Dieu. Hein? Vous voulez entendre? Oui, ce que j'allais dire. Dis-moi que t'as un extrait, s'il te plaît. C'est cobaladé, quoi. Un duo avec Zingarinus. Zingarinus. Mais c'est exceptionnel. Vite. Pardon. J'ai essayé de le faire, mais je le fais pas aussi bien que lui. Waouh. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Allez, on se reprend. Les concerts sont complets. Alors, selon une source fiable, 80% des personnes présentes à ces concerts sont également sourdes. Pourquoi il y a moyen de faire des petites économies sur la sono, hein? Régis de la sono. Ne touchez pas à votre radio, hein. Vous êtes bien sur la fréquence habituelle. Tout va bien. Ça va, Kix? Ok, ok, ça va. Tu t'es mis à la musique, Kix? Ok, ok. Allez, deuxième inflop. Elle s'appelle Viatana. C'est une vache brésilienne de 1100 kilos. Elle est devenue la plus chère du monde. Vendue aux enchères 3 590 000 euros. Quoi? Des agents de sécu la surveillent 24 heures sur 24. A priori, elle a une viande incroyable. Elle sera donc mangée d'ici quelques mois. Oh non. Ah si, c'est facile. Chérie, ça te dit qu'on se fasse des sous? Parce que... Ah non, non, non, non, non, chérie, non, c'était pas par rapport à ton physique. Non mais, chérie, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans ma vie, ne reviens plus, car désormais, tu n'es plus le bienvenu. Troisième. Du beau monde avec cette dernière inflop. Justin Bieber, Kim Kardashian et 50 Cent ont eu une mauvaise nouvelle en même temps il y a quelques jours. Ah bon? Ils n'auront plus le droit à vie d'acheter une Ferrari neuve. Oh, fini les beaux bolides pour eux. Oh ben, ouais. Comment c'est possible? Car selon la marque, ils ne prenaient pas assez soin de leur Ferrari. Maintenant, s'ils veulent une Ferrari, ce sera d'occasion. À la suite de cette info, nous apprenons que la marque Ferrari a été rachetée donc par 3 célèbres stars américaines. La vie ne fait pas de cadeaux. Merci. merci de nous avoir choisi d'ici quelques instants. J'allume toujours mon micro, mais deux secondes après avoir parlé, ce qui fait un rendu dégueulasse, je vous le refais. Si nous avoir choisi. Horrible. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. La double M s'est installée pour faire son cinéphile. Elle a sa chemise de pharmacienne. Arrêtez ! C'est pas une chemise de pharmacienne. C'est non, mais, moi, vétérinaire. Tu me fais des piqûres quand tu veux. Hein. Avec plaisir. Oh, tu donnes. On peut jouer ? Oui, à quoi ? Au docteur ? Au cinéphile. Ça consiste en quoi, madame ? En gros, je vous fais découvrir des films. La première manche, je vous donne trois. Non. Mais elle va, relève pas, on a entendu. Oui, oui. Laisse-les. Ignore. Ignore. Ignore les hommes. Ouais, c'est des mâles en chaleur là-bas. Ouais, un petit peu beaucoup autour de moi. En gros, la première manche, je vous fais écouter trois extraits d'un même film et à vous de. Je me suis trompé de micro. T'as dit quoi ? Alors perso, moi j'ai rien entendu. Donc, rien entendu que... non plus, mais ça va. Faut l'excuser, c'est pas. Il a pas l'habitude de gérer les micros. Voilà. Attends, y a que moi qui l'ai entendu ou l'antenne ? Non, y a que toi. Parce que, en fait, j'ai cru que c'était Kix, mais comme vous avez inversé vos places, je voulais dire un truc ultra sale à Kix. Oui, mais je l'ai eu. C'était quoi ? Ben non, c'était un truc que tu devais lui dire pour passer pour un pervers encore, mais c'est pas grave. Vous avez vu qui me fait dire des bêtises ? Ouais. Après, on dit que c'est moi. Et, ouais, et maintenant, le secret de l'émission est détricoté. Merci, bonsoir. Bon, premier extrait du premier film. Allez. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Oui. Sénéca, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant ? Personne ? Personne. Non, j'attends le deuxième indice parce que. Ok. Deuxième indice, pardon. Non, je suis volontaire. Je suis volontaire. Ah si. Je me porte volontaire comme tribu. Attends, non, en vrai, je suis pas sûr. J'ose pas buzzer, je suis pas sûr. Oh là là. Non, j'ai un truc en tête. C'est mais... toujours Kix. Non, mais je sais pas. Je sais, le début, oui, mais la fin, je suis pas sûr. Donc je vais attendre le troisième. Ok, les autres non plus, toujours. Non plus. Oh là là là. Troisième extrait. Puisse le sort vous être favorable. Bah enfin, les gars, vous regardez la télé, t'entends ? Non, mais ça me dit un truc. C'est quoi la TV ? Bon. Bon, de toute façon, personne ne l'a, donc je tente, mais vas-y, je suis pas sûr que ça. J'ai buzzé. Oh. Super. Je dirais Hunger Games. Oui, mais t'as triché, tu viens de regarder l'écran de ton téléphone. Oh. Pas du tout. Est-ce que, franchement... Non, mais t'es en j'ai train... la réponse, mais non, mais pas du tout. On ne m'a pas soufflé. T'es un tricheur. Oui. Bon, mais Jadoul a le premier point, justement. Et j'avais pas ça. T'avais quoi ? Mais j'avais un truc genre Alice au Pays des Merveilles. Hein, comme ça, mais... C'était bien Hunger Games, exactement. Bon, il fallait bien que quelqu'un brille. Hein. On passe à la deuxième manche. Donc, oui. C'est un même film, mais là, c'est moi qui vous lis les extraits sans intonation. Okay. À vous de découvrir. Vas-y. L'extrait numéro 1. Je suis le maître du monde. Oui. Mais le buzzer est trop loin. Ah bah oui, mais non. Et pas trop petit surtout. Dis-moi. Avatar, le maître de l'air. Je suis le maître du monde, pas bah, de il l'air. Il peut être le maître de non, monde, bon, du monde et de l'air. Qui s'était éliminé pour cette manche. Super. Extrait numéro 2. Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. C'est fini la citation ? La citation est finie. C'est les vacances de Jadoul ? C'est l'extrait 2. Ou... Extrait numéro 3. Ouais. Je vole Jack. Antoine Jadoul. Ah oui. Foiré. Antoine. Oui, Antoine. Titanic. Oui, exactement. Donc... Je vole Jack. Voilà. Jadoul, les mains derrière moi, moi qui tiens les bras. Ah, je nous y vois. Qu'est-ce qu'ils ont tic-tac là ? Rien. Antoine et Kix, qu'est-ce qui se passe ? C'est fou quand même le dire. Kix m'a soufflé dans l'oreille. Je pensais que c'était Peter Pan. Bah, hé, je vole, bateau. Il y avait moyen. Donc on a un point pour Jadoul et un point pour Antoine. Kix, tu es totalement à côté de la plaque aujourd'hui. Ah, c'est bon. Ah, merci Kix d'être aussi toi. Avec plaisir. On passe à la manche numéro 3. Pardon, ça, j'en perds les mots. Donc la manche numéro 3, c'est moi qui vais raconter l'histoire, mais je suis pas super méga douée. À vous de vous débrouiller. C'est approximatif la dame. C'est approximatif, ouais. Quoi. Donc c'est l'histoire de gars. Ils sont un petit peu bizarres, ils sont différents, et ils se baladent avec des potes pour récolter des plantes par ici. Sauf que ils vont un peu. Enfin, le gars va s'éloigner un petit peu du groupe et il va se faire attaquer par le FBI. Du coup, il va essayer de se cacher. Il va tomber sur un petit garçon. Le petit garçon va essayer de le cacher du coup du FBI. Il va même le déguiser en fantôme, par exemple. Ils vont faire des courses pour tout de suite. Mais... Hein. Oui. Peter Pan. E.T. Oui. E.T. téléphone maison. Mais c'est bien parce qu'on a un point partout. La manche bonus. La manche bonus. Alors la manche bonus, c'est comme la manche numéro 1, trois extraits d'un même film, à vous de trouver. Le premier extrait du bonus. L'arabe est parlé par des millions de personnes et son écriture est un art. Hein? Des millions. Kix. OSS 117. Exactement. C'est dans la poche. Vous avez vu la remontada? Ouais. Bravo. Vous avez vu la remontada? Attends, j'ai un petit extrait, c'est marrant. Mais lequel? J'aime des OSS. La biscotte. Mais taisez-vous. J'aime me beurrer la biscotte. Voilà. Tu vois ce que ça fait de lancer un son et que personne n'écoute? Personne n'écoute, c'est frustrant. C'est impossible. Oui, c'est compliqué. Bon, Kix a deux points. Félicitations. Merci. Je te déteste. Je te jure, je vais te faire la même. Je vais te faire la mais même. Mais de quoi on parle? Je peux voir. Il prend des photos de moi pendant que je suis en train de parler. Et c'est vrai, je sais pas ce que j'ai fait. À un moment, je l'avais un peu les yeux au sel, les fermons et ouvrant la bouche. Et on se croirait dans un parc d'attractions, tu sais, quand on est dans une cascade et qu'il y a les appareils photo qui prennent. Il y a les photos de la descente. Pas, on voit fort mes dents du bas. Hein. Oh là là. Oh, quelle horreur. On voit fort les molaires. Je vais te faire la même chose. Je t'en prie. Si je suis pas photogénique, j'ai fait de la radio, Antoine. Allez, merci de nous avoir choisi, bienvenue. Ne nous envolez pas, c'est notre premier jour de radio, on fait comme on peut, c'est les débuts, c'est les prémices. Dans un instant, on aura Radio Falminioul qui sera là, vous verrez ce que c'est, faire de la vraie radio, et on aura le certifié. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. Je peux vous l'annoncer officiellement? Oui. On a enfin prévenu la direction, donc on peut vous le dire. On sera là une semaine de plus. Ah. Yes. On prolonge d'une semaine là où toutes les radios s'arrêtent fin juin. Nous, on va s'arrêter première semaine de juillet. Trop, ça veut dire que bien. Notre dernière, on la fera le 2 juillet, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'est pas le 3? Deux ou 3, je sais plus. Attends, le 3, je prends mon agenda. Ouais, c'est le 3. Ouais. Le 3 juillet, on fait la dernière et c'est la grosse émission XXL, 3 heures d'antenne avec le barbecue. Ouais. Ah, on va encore avoir des burgers? À l'antenne, ouais. Ah. Et des oignons? Pour faire une émission aux oignons? C'est ça. Et trop bien. Dites, monsieur, est-ce qu'il y aura Claude aussi? Peut-être. Oh, ouais. Peut-être. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Ok, donc il faut être là. Maëva a demandé une piscine pour voir Baptiste torse nu. Oh, mais non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Non. C'est pas vrai. Ah bon? Maintenant, s'il faut un reporter pour aller le voir. C'est ça, du tout. Baptiste est le nouveau de l'équipe et elle est en plan séduction. C'est là. Pas vrai. Mais arrête, il y a que toi. Hey, tu sais couple, bien hein. Qu'il y a que toi dans. Dans ta vie? Dans ma vie. Dans mon cœur. Ah, notif Tinder, c'est Baptiste. Allez, c'est tout. Allez. Vous avez choisi une radio qui diffuse d'autres radios. Oui, c'est Radio Falminioul maintenant sur notre antenne. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait venir un lanceur de couteaux. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, ici René de Radio Falminioul. Comme chaque semaine, je suis accompagné par Guy à la technique. Bonsoir Guy. Bonsoir René, bonsoir à tous. La semaine dernière, nous avons reçu un fax de la part de Marilyn de... Ah ben j'ai perdu ma... Ah, j'ai perdu ma carte du monde. Où est-elle? C'est moi qui l'ai! Regarde! Elle vient de là. Intermarché? Non, c'est en dessous qu'il faut lire, René. Ah, pardon. De Bouge, en province de Namur. Cette dame nous dit « Je trouve qu'il manque de dynamisme dans votre émission sur Radio Falminioul. » Ah. Bon, c'est pourquoi avec Guy, nous avons fortement réfléchi. Oh, waouh! Et ça nous a donné une idée. Une solution au problème. Oui, enfin, comme d'habitude, j'ai trouvé la solution. Chers éditeurs, rien que pour vous aujourd'hui, nous avons l'accueillir de l'honneur. Nous, à l'inverse, nous, les petits papiers, les petits mots dans l'ordre, nous avons l'honneur d'accueillir Petrushko. Bravo! Bienvenue chez Radio Falminioul, monsieur Petrushka. Vous allez bien? Mais qu'est-ce qui vient de m'effleurer le visage? Oh, oh non, un couteau. Guy, baisse-toi. Ce monsieur veut nous tuer. Mais non, René. Petrushko est un lanceur de couteaux, c'est normal. Lanceur de couteaux ou pas, on ne lance pas des couteaux aux gens, monsieur Petrushka. D'accord? Hein? On ne fait pas ça au visage. René, tu vas nous l'énerver, notre ami. Bon, d'abord, il s'appelle Petrushko. Ensuite, il n'est pas rien. Il s'est coupé la langue quand il était petit en jouant avec des couteaux. C'est pourquoi il se sert des armes blanches pour dialoguer. Un lancer veut dire oui, et deux lancers veulent dire non. Tu verras, c'est simple à comprendre. Tu aurais pu m'en parler avant. Mais tu as raison, il n'est pas nécessaire d'énerver ce monsieur très charmant. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, je suis désolé, mais je ne peux pas. Pose-lui toi-même des questions. Là, allez, les trucs que t'as, vas-y. Tout d'abord, est-ce que vous avez fait un bon voyage? Ensuite... Attends, je vais lui bander les yeux, ce sera plus rigolo. Vas-y, vas-y. Ensuite, est-ce que vous avez une femme et des enfants? C'est oui, ils ont facile à dialoguer avec vous lorsque vous lancez les couteaux. Alors, mettez-vous sur une jambe en plus. Voilà, le flamant rose, flamingo, allez, Petrushko, allez, vas-y. Est-ce que vous avez eu mal quand vous vous êtes coupé la langue? Et enfin, est-ce que vous connaissiez Radio Falminioul? Guy, pourquoi il s'est retourné vers moi? Non, c'est pas moi qui ai posé toutes ces questions. Non, mon Dieu, Guy, toi. René, n'interfère pas dans sa réponse, c'est déjà très compliqué à distinguer quand il lance un ou deux couteaux à la fois. Je pense qu'il a fini. René, tu peux revenir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci de votre sincérité, monsieur Petrushko. René! René, t'es où? Tu peux venir, j'ai dit, c'est bon, hein? Je suis crucifié au mur! Ah! Coucou, ici. Je suis là-haut. Ah oui. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Hein. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. J'ai une grande annonce à vous faire. Ah ! Ah ! Oh ! Allume ton micro, Antoine. Mais non, mais toi, t'es un peu pour faire honneur à toi quand tu oublies de... D'accord. C'est du foutage de gueule, Antoine. Léger. Il veut faire honneur à toi, donc il disait Jadoul, si jamais. Tu sors ou je te sors. Hein. Salut. Salut. Non, Antoine. Au revoir. Antoine. Dans un mois. Salut. Non, mais tu reviens. C'est quand tes prochaines ici? Pourquoi on fait ça comme ça à l'antenne? Allez. Ah, toi, on sait pas. Oh, peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après, je n'en sais rien. Il faut qu'on s'organise, nous, il y a du monde au balcon. Oui, il faut. On prendra notre agenda, mais après. D'accord, ok, on va faire ça. On va se coordonner. Voilà. Allez, parfait. Donc, je vais vous dire un truc, mais c'était très sérieux pour le coup. Là, on fait les cons, mais non, c'était très sérieux ce que je devais vous dire. Maëva. Oui. Maëva. Oui, Jadoul. Aurais-tu, par hasard, fait tomber le haut? Non, pas encore. Ah, mais si. Ah, oui, pas tout à fait. Ok, d'accord. Allez, on y va, on se fait le certifié, c'était un échec. C'était ça la chose importante. Oui. Bah, surtout qu'il faut expliquer de quoi tomber le haut. Ah oui, pardon, la chemise. Elle avait une magnifique chemise de pharmacienne, très sexy, mais ouais, qu'elle a retirée du coup, elle ne l'a plus. Mais c'est parce que vous me faites, vous me donnez chaud tous les trois. Enfin, les machines aussi, beaucoup. Quelle machine? Les ordinateurs. Ah oui, d'accord. Non, d'accord. C'est pas vous les machines. Désolée. Ça partait bien, mais. On a une exclusivité dans cette émission. Une grande exclusivité. Vous vous souvenez de l'émission Face au juge? Oui. Oui. Ah. Oui. Eh bien, à la rentrée sur RTL TVI, on sait déjà qui sera jugé face au juge. Ah, on a une exclusivité, écoutez. Dossier coups et blessures. Misère. Donc, Eric le pauvre, il a une convocation. C'est les flics. Oui, on est de retour avec notre bande de potes, les trois ivrognes belges qui se filment tous les jours sur YouTube avec 10 vues en moyenne. Angelo, il devra aussi aller s'expliquer de la bagarre que vous avez fait, vous deux. Qu'on a fait. Au revoir. Quand on nous a cherché, je vais dire aussi encore un endroit de moi, monsieur. Donc, si j'ai bien compris, ce n'était pas évident, hein, c'est une dispute entre trois gars, dont les deux de la vidéo, au lavoir. Il a pété la gueule, il a vraiment pété la gueule à un type, et il était plein de sang, l'ambulance, les flics et tout. Le mec qu'ils ont tabassé est quand même parti en brancard, hein. Heureusement qu'ils doivent s'expliquer à la police. Ouh là là, attendez, il est 9h du matin. Ils ont attaqué déjà la boisson. En 3 heures, il a vidé la bouteille. Non, non. Jacques Daniels, mais c'est pas du black. Ça, non, ça c'est du sucré. C'est du sucré, Jack Daniels. Mais... Non, sucré, c'est pas du black. Qu'est-ce que tu vas dire au commissariat? Oui, c'est une vraie question. Bah déjà, peut-être pas boire la bouteille avant d'y aller. Hein. Mais tu vas dire que c'est toi qui as cherché ou c'est l'autre qui a cherché? Non, c'est l'autre qui a commencé. Pourquoi moi je cherche? Moi je cherche personne, moi c'est les gens qui me cherchent. Mais il est très tranquille, là. Tout est tout autour de moi, alors. Il a commencé. Alors, toi, il a gueule Angelo. Ouais. Et quoi, qui va aller le premier, toi ou Angelo? Bah, peut-être tous les deux, on va se donner rendez-vous. Ouais. Super. C'est d'une clarté. Ouais. Il s'écoute pas trop parler non plus. Enfin, non, c'est... On dirait cette émission. En tout cas, ça respire la bonne ambiance, hein, comme ici. Il y a marqué à l'aide, veuillez vous présenter. Voilà, Réal. Rendez-vous le lundi jusqu'au vendredi. De 9h à 12h. Qu'une personne à la fois. Bah ouais, mais on peut être chacun dans un bureau. Hein. Non, une personne à la fois. Donc ça veut dire. Chacun a sa déposition. C'est le même flic qui va vous auditionner. Et en fait, c'est d'abord toi ou Angelo. Ouais, ok. Et puis seulement, ça va être toi ou Angelo. Avec le même flic. Oui. Comme ça, le flic, il sait quelle version vous allez dire. C'est un commissaire. Hein. C'est un commissaire, ouais. Ils font leur popote en vidéo, mais le mec a l'air quand même bien informé. Hein. Ok. Ouais, il explique vraiment bien. Ouais. C'est détaillé. C'est peut-être une habitude d'ailleurs. Ouais. Mais oui, fin connaisseur. Hein. Eric, bonne chance. Moi, comme je suis bientôt parti, je quitte la Belgique. Ah. Bonne chance. J'espère que tu seras pas en prison quand je reviendrai. Hein. Non, pas lui. Allez, ciao. Hein, t'inquiète pas. Tout sera fait. J'ai des copains en tôle qui te serviront. Oui, non, c'est bon. Mais là, on va peut-être avoir des problèmes. Hein. Quel vlog bien sympathique. On embrasse les gens qui nous écoutent en prison. Oui, oui, c'est vrai. Et il y en a peut-être. Hein. Oui, il y en a. Non, je le sais, c'est une affirmation, il y en a. Ah, ok. Ouais, mais même le personnel qui travaille dans les prisons. Ah ben. Trop bien. Heureusement qu'à la radio, on vous embrasse. Voilà, vous croisez ce genre de personnes. Là, ça va, ils sont calmes, 9h du matin, Jack Daniel. Parce qu'à partir de 15h, ils commencent à dire... Mais donnez-moi du verrou. Jadoul. Bah, tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de souci. Ouais. Et c'est l'heure d'écouter religieusement Maëva. Okay. tout ce qu'il vous faut pour avoir l'air brillant à la machine à café demain ou avoir un truc à raconter à votre meuf que vous savez plus blairer. C'est mignon ça. Ouais. Il y en a qui rentrent à la maison, ils ont pas envie de rentrer chez eux. Ah, hein. Oh, c'est nul ça. Ah oui, mais voilà, c'est la vie ça. On peut parler de la vie privée après ? Non. C'est des choses à nous confesser. On démarre, Maëva. Oui, alors la première info à deviner, une nouvelle plateforme qui va vous faire procrastiner. Elle a depuis hier laquelle ? Antoine, une idée ? Ah oui, j'ai ma petite idée sur la question, oui. Ah, t'as la réponse. Oui, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il est en dernier dans l'ordre. Oui, mais oui, mais Kix du coup. Bah, je sais pas, peut-être un podcast, c'est un rapport avec un podcast ? Pas du tout. Non, procrastiner. Procrastiner. Ça veut dire glander si tu préfères. Ah, bah là je connais. Mais Kix, je comprends pas, je t'ai dit ce mot durant des années, t'as pas compris ? OK. Merci. Jadoul, une idée ? Le CPAS a une nouvelle interface, du coup tout le monde va être occupé à Charleroi. Ça, c'est méchant. C'est gratuit. Heureusement qu'on ne capte pas jusque Charleroi. Ah oui. Sinon, on aurait internet, des ennuis. Ils ont internet et ah, ils peuvent écouter nos podcasts. Oui. Hein. Plutôt. Bon, ben Antoine, du coup. HBO Max. Exactement, Max. HBO Max, pour être précise. C'est le nouveau concurrent de Netflix, Disney+, Prime et les autres. En fait, ils vont plutôt privilégier la qualité à la quantité. Parce qu'il y a seulement 120 séries, mais alors d'énormes succès qui ont déjà fait leurs preuves, comme Euphoria, Game of Thrones, Joséphine Ange Gardien, Les Sopranos, House of Dragon, Last of Us, bref, j'en passe, à découvrir ou à redécouvrir, pour ceux qui y veulent. Il y aura pas mal de télé-réalités aussi à découvrir. Et côté film, on va pouvoir retrouver des gros blockbusters, comme Harry Potter. On va enfin les avoir tous sur une plateforme. Le Seigneur des Anneaux, mais attention, il y a quelques petites failles qui nous rappellent un peu Prime. Par exemple, Dune 2, qui était il y a quelques mois au cinéma, il est là, génial, super. Mais il n'y a pas de doublage ni de sous-titrage français. Et si tu cherches Dune 1, il n'existe pas sur la plateforme. Donc voilà, des petites choses, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas toujours être parfait. Niveau prix, l'abonnement de base est pour deux appareils qui peuvent donc être connectés en même temps. Okay. En full HD, ça coûte 5,99€ par mois avec des publicités. Il y a un autre abonnement à 9,99€ par mois, c'est le même, sauf que il n'y a pas les publicités. Et il y a jusqu'à 30 programmes hors connexion qu'on peut regarder, télécharger et regarder. Et pour les familles, il y a un forfait premium à 13,99€ par mois, où là, il y a 4 écrans possibles et jusqu'à 100 programmes à regarder hors connexion. Puisqu'on parle des plateformes de streaming, parce que Jadoul rigolait avec Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, mais il y a TF1 Plus qui est censé arriver. TF1 Plus qui existe déjà est censé arriver en Belgique ce mois-ci. Allez. Voilà, c'est censé arriver. Mais je l'ai sur ma télé, pourquoi c'était pas le cas? Parce que tu as dû passer par un petit VPN. VPN, oui. Bah. Là, ça va arriver officiellement en Belgique sur l'App Store belge. Les Belges pourront se créer un compte, s'abonner à TF1 Plus. Cool. Et c'est 5 ou 6 euros par mois pour avoir par exemple des épisodes en avance. Par exemple. Donc en gros, c'est MyTF1, le truc de replay, mais en version plateforme Netflixisée. Voilà. C'est ça. D'accord. J'avais un dernier petit élément pour celle d'avant. Pourquoi pas ? Bah oui, mais non, mais désolé. Hein. Donc ça, c'était là depuis hier, HBO Max. Et du coup, pour les fans de sport, avec 5 euros supplémentaires par mois, vous avez Eurosport 1 et 2. Voilà, c'est une petite info qui peut être pratique pour les fans, enfin les gens qui veulent regarder les JO, qui ont lieu cet été. Et voilà. Tour de France. Info suivante. Qu'est-ce qu'un nouveau médicament permet de faire repousser ? Kix, une idée ? Bah, les ongles. Bah non, mais ça pousse déjà les ongles, bah, naturellement. Vite, quand tu te nourris de tes ongles. Non, en vrai, ça va. Bon, durant les examens, j'avoue. Mais quand il n'y a pas d'examen, quand j'ai pas de travaux à rendre. Ah, c'est revenu là, t'as de nouveau un peu grignoté ? Bah oui, là, du coup, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Je rends mes examens, je vous fais une. Non, mais t'as pas besoin de médicaments, tes ongles, ils poussent tout seuls. Non, mais si tu veux les faire repousser, imagine, là, je vous dis, on a un shooting photo pour la rentrée. Il a des. Et ça existe, c'est des. Des faux ongles ? Non, des vitamines. Moi, je prends des vitamines pour la pousse des cheveux. Alors, ça marche moyen. Bah oui, regarde, ils sont tout rouillés maintenant. Une idée du nouveau médicament qui permet de faire repousser quelque chose ? Jadoul ? Je dirais les poils. Mais ça pousse tout seul, c'est même chiant. Mais toi, t'as un corps, mais t'as trop de testostérone en toi, qu'est-ce qui se passe ? Mais pas du tout, mais toutes les femmes, arrête de toujours me body-shamer comme ça. Regarde mon corps. Oui, mais toi... Regarde mon corps, tu veux que je te montre le reste ? Rien, pas un poil, moi, chez moi. Mais t'as de la chance. Mais oui, je suis très heureux. Tu dois être tout doux, tout... Oui, tu veux me toucher ? Après. Je suis tout doux, touche-moi. Allez, touche-moi. Ah ouais ? Non, c'est vrai, t'es doux. Très radiophonique, ce moment. Sous le téton. Non, ça va. Oh, c'est bon. Antoine, une idée ? Mais j'allais dire les cheveux, mais je suppose que c'est pas ça. Non, c'est les dents. Des scientifiques japonais commencent des tests sur les humains, parce que jusqu'à présent, ça n'a fonctionné que sur les furets, pour faire repousser des dents. Donc, non mais parce que en fait moi j'avais vu l'info sur Facebook et je me suis dit c'est encore tu sais le truc putaclic là, mais ouais. Non, j'ai été vérifiée sur Futura Science, c'est bien vrai, c'est vraiment en cours. Alors concrètement, le médicament il désactive une protéine qui est appelée USAG1. En gros, c'est ce qui empêche la croissance des dents une fois adulte, parce qu'on a les dents de lait, puis il y a les vraies qui repoussent, ouais. Et puis notre corps fait automatiquement une protéine. Imagine, tu veux repousser une dent, t'en as 6 qui poussent au mauvais endroit. C'est court, hein. Et je suppose que j'en sais rien, j'ai pas posé la question au furet, mais en tout cas, ça a bien marché. Et là, furet.com. Et là, il teste ça sur les hommes. Franchement, moi, je trouve ça sympa parce que c'est ma phobie avec l'âge de perdre des dents, c'est horrible. Ouais. Quand je vois ma grand-mère qui me dit mon dentier, j'ai envie de pleurer pour elle. Info numéro 2. Furet.com. T'as pas de dentier alors là? Non, là, c'est les miennes. Ah, elles sont jolies. Merci. Bravo. Tu me les prêtes? Ah non, elles sortiraient pas du coup. Mais non, elles sortiraient pas. Info numéro 3, est-ce que vous êtes des hommes rongeurs? Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est un homme rongeur? Qui c'est une idée? Moi, je dirais mâchouiller un petit peu, oui, notamment les ongles. Mais je dirais, mâchouiller un bic, les écouteurs, le fil des écouteurs. Non. Ok. Jadoul? Je dirais faire des réserves de nourriture dans les coins de sa bouche. Non, tu sais faire ça? Oui. Ah, waouh. Je fais ça avec les Ferrero Rocher. Les Ferrero Rocher. Quoi? 6? Ouais. Sans les casser. Je te jure. On peut essayer pas après, mal. Je vais voir. Je vais chercher ça, vas-y, continue. Mais ça fait mal en plus, ces Ferrero. Antoine, une idée des hommes rongeurs? C'est granuleux, comme quand tu suces un caillou. Je pensais peut-être quand t'as les dents du devant là, qui sont prononcées, qui sont un peu plus. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas, lui? Rien, continue. Ouais, j'ai dit granuleux comme quand tu suces un caillou, mais personne ne fait ça. Excusez-nous. Tu disais, Antoine, excusez-nous. Donc, quand on a les dents de devant qui sont très prononcées. Ah, les dents qui s'avancent. Enfin, qui. Non, pas qui avancent, mais qui sont un petit peu plus grandes que les autres. Ah oui, qui font un peu effet castor. Ouais. Voilà, des grandes dents. Ben, il y a un peu de ça, mais pas vraiment. C'est plutôt un compliment. Ça vient de TikTok, comme d'habitude. Donc, c'est les Rodenmen qu'on peut traduire par les hommes rongeurs. Et en gros, c'est la nouvelle obsession de la Gen Z, la génération Z. En gros, c'est des hommes qui ont des ressemblances, d'après ces gens-là, à une souris. Mais genre, c'est positif de ouf, hein. Principalement, on retrouve Timothée Chalamet. Vous savez, c'est vrai que quand on regarde, il y a un petit museau un peu. Ouais. Il y a l'acteur Jeremy Allen White qui a beaucoup, l'a beaucoup vu dans la campagne Calvin Klein, Matt Eddy du groupe 1975, Adam Driver qui joue Kylo Ren dans Star Wars. Bref, c'est ces hommes qui, en gros, sont pas considérés comme sexy d'après les canons de beauté actuels, mais qui ont un truc. Tu vois, ils ont un truc, ils ont un petit museau, ils sont mignons. Et ben voilà. Et vous êtes peut-être bien des hommes, des Rodenmen, des hommes rongeurs tous les trois. Vous êtes mignons, vous avez des petits museaux. Ouais, c'est ça, attends toi. Voilà. J'avais une petite question. C'est quoi le nom du dernier titre de Gen Z? Gen Z, si, il a sorti Crazy in Love, je crois, en collab avec Beyoncé. La génération Z, j'ai dit après. Oh, vous êtes vieux quand même. C'est vraiment pour vous le hockey boomer. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Elle est sympa comme une porte de prison. Mais avec plein d'amour, j'adore. Bon, allez, je le fais. Ah, les six Ferrero Rocher. J'immortalise ça. Oui, bien sûr que ça va être long, mais est-ce que tu crois qu'on fait de la durée d'écoute, nous? Tu sais qu'il n'y a plus personne qui nous écoute à cette heure-ci. Hein. Alors, je précise, regardez, ils sont périmés. Hein. Voilà. Oh. On filme, ils sont périmés. Ça va être dégueulasse quand tu vas tout croquer d'un coup. Oui, je devrais peut-être prévoir une bassine. C'est bon, j'ai la console pour cracher. Oh. On va peut-être. Qui se te prêtera ses mains? Et de 1. Tu vas pas en mettre 6, c'est impossible. Si, c'est pas possible. 2, mais t'as déjà. On dirait déjà un hamster. Bon, déjà, si ça coupe, on vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Et on est à 2 Ferrero Rocher. Et 2, 3. Mais non, déjà là, on sent que tu galères. Attends, parce qu'il doit faire un agencement en fait. Bah super, on dirait un influenceur. Sauter, ça va appuyer sur une touche et tout va se couper. On dirait un influenceur à Dubaï. Arrête, les fais pas rire. C'est super dur comme activité. Enfin, les fais pas rire. Allez, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? À l'heure actuelle, Jadoul est à 4 Ferrero Rocher dans sa bouche. Et 2 dans son cul. On a dit qu'on faisait pas rire. C'est presque olympique ce qu'il fait. T'y arriveras pas. Le cinquième, ok, mais pas le sixième. Le gars... Jadoul en a six. Le six Ferrero Rocher dans la bouche. Non, cinq. Il va mourir en direct. Non, on va être tous là emmerdés. Arrêtez. Mourir sur scène. T'inquiète, je sais faire marcher la console maintenant. Enfin, à peu près. Et... Ouais, non, wow. Bof. Ouais. Bof. Oh. Allez, ferme la bouche. Un petit commentaire aux auditeurs, Jadoul. Ah, il est en train de cracher. Et c'est la fin de Jadoul. Merci voilà. Tout le monde. Ah, non ah, avec le filet de bave. Vous êtes sur Bave FM. Oh non, Jadoul, tu dégoûtes. Je sais pas comment appuyer sur les boutons sans foutre de la bave et du chocolat partout maintenant. Oh, ouais. Le coude. Hein. Mets-nous Zola. Zola. Zola. De temps Émile. En temps, avec... s'il te plaît. Émile, ça c'est une bonne blague ça. Dans le mille. Et va frotter ta bouche, va, s'il te plaît. Voilà. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. En podcast. J'ai comme qui dirait un petit résidu de noix. Oh. Mais c'est ça qu'il y a autour des Ferrero Rocher, non? Non, c'est une dent. T'as perdu une dent. Oh, merde. Tu sais, ce qui est moche, c'est que t'as gâché 6 Ferrero Rocher. Mais non, ils étaient périmés. Mais pourquoi tu les as pas mangés? Non, excuse-moi, quand le chocolat est plus blanc que ma peau... Mais oui, mais il faut pas les laisser périmer. C'est délicieux, c'est exquis. Oui, mais c'est pas parce que toi, tu bouffes tout ce qui passe qu'on va tous faire ça. Hein. C'est méchant et en même temps tellement vrai. Non, c'est un peu faux parce que vendredi soir, durant notre... tournage de sextape. Elle est venue me chercher au travail, Maëva, en bagnole, et j'ai oublié dans sa voiture des pâtisseries. Ouais. Des petits gâteaux. Ça faisait partie d'une des scènes, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc, normalement, il y avait un truc où on fourrait l'éclair, et tout ce qui était avec les pâtisseries, on l'a pas fait. On a zappé, j'ai tout oublié dans sa bagnole. Ok. Et je m'en suis rappelé que très tard que j'avais laissé des pâtisseries dans sa voiture. Et donc, du coup, bah, les pâtisseries ont péri. Voilà, terminé. Mais elle va s'en sortir dessus. Alors que si vraiment elle était goulue, comme on le disait, elle aurait tout mangé. Oh. Ça n'aurait pas fait deux secondes. Eh ben... Ah, tiens, perdu sur l'internet. Internet. Du verbe internet. C'est les Ferrero Rocher qui lui font encore de l'effet, je pense. Ouais. Notre merveilleuse équipe de production a une fois réussi à se perdre encore plus. Profond dans les bas-fonds de l'internet. Et ils vous ont dégoté cette chouette vidéo. Mais laquelle? C'est le principe du perdu sur l'internet. Trois possibilités de vidéo, c'est à vous de me donner quelle est la bonne réponse. En 1, Marc, l'ancien alcoolique. En 2, Vanessa, la danseuse étoile. En 3, Patrick, le gendarme déjanté. Kix. Patrick, le gendarme déjanté. La Molaire. Maëva. Marc, c'est, il m'a touché, l'ancien alcoolique. Ok, il y a une histoire. Vanessa. Allez. De toute façon, à chaque fois que vous en choisissez à chacun un différent, il y a forcément un gagnant. Et cette semaine... Vous êtes perdu sur Internet. C'est avec Marc, l'ancien alcoolique. Yes, bravo Maëva, bravo. Vive l'alcool. Tu remportes, ça, hein. Tu remportes un Ferrero Rocher. Mâché. Et recraché. Mais avec modération. Le compte s'appelle Petit James 21, suivi par environ... Combien? 2350 abonnés. Ah, quand même. Quand même, oui. Allez, on découvre. Alors, c'est moi, Marc, célibataire, ancien alcoolique. Je vais tenter devant vous et la caméra, là, de relever ce petit défi. Le petit 8-5, tranquille, c'est bon. C'est en réponse à tous ceux qu'on a vus sur Internet avec leurs petites bouteilles, des fiottes. Vous... Ouais, il faut couper ça. Allez, peut-être couper ça. Non, les fiottes, c'était sympa. Ah non, c'était marrant. Allez. Si vous vous demandez, en 2024, si vous vous demandez ce que c'est ce fameux petit litre 5, eh bien, c'est une bonne grosse bouteille de Ritard. Mais non, il est ancien alcoolique. Du Ritard. Ben, Ritard, hein, ici. Non, arrête, il va pas boire du Ricard. Du Ricard. Si. Mais il est ancien alcoolique. Pur. Un litre et demi. D'eau. Non, non, de Ricard, pur, mais... sans rien d'autre. Cet homme va boire. Allez. Arrête de m'étêter. Hein. Les chaussettes. Les chaussettes du Kix sont trempées. Archi trempées. Oui. 1,5 de Ricard, ça peut faire mal. Mais alors, on se dit que sur une vidéo, ça pourrait être un peu falsifié. Est-ce que cette bouteille est vraiment pleine? On va vous faire écouter qu'elle est bien fermée. Le bouchon, on le plie. Ça, on pourra pas la reboucher. Oh. Et maintenant, bah, c'est parti. Et là, les festivités démarrent. Non. Il verse dans le verre, là, pas dans sa gorge. Ah putain, c'est le premier qui fait mal. Oh, c'est un peu serré quand même. Mais on va le faire. On n'a pas le choix. Mais... S'engager. Santé. Ça descend. Faiblement, mais ça descend. Ça descend, ça descend. Oh. Ça, c'était le premier verre. C'est pas bon en plus. C'est la vieille la plus le stupide goût. Du c'était monde. C'était même les deux premiers verres. Alors, je sais pas si on doit le féliciter, mais c'est déjà pas mal. On continue. Ouais. Ça commence à piquer, hein. On va mettre les lunettes. Oh putain, quelques petites remontées. Avec les lunettes, ça peut l'aider à boire, hein, forcément. Les premiers effets commencent à se faire ressentir. Courage à lui. Ça commence à être dur. Quelques pistaches et c'est parti. Dernier verre. Deux pistaches, ça aide, hein, comme les lunettes. Attendez, il a quand même quasi bu la moitié de la bouteille de litre 5. Hein. Oh. Les enfants, surtout ne prenez pas exemple sur ce monsieur. Marc est un professionnel et un bon ami de Maëva. Mais... enfin, pardon, je traduis, un ancien alcoolique. Ou un belge, hein, chacun y voit sa conclusion là-dedans. Hein. Ça y est, je conclue. Oh. Ouais, yes. Aussi. Charmant. Voilà. Il a réussi. Il a réussi son pari. Il a entièrement bu les 1,5 litre de la bouteille de Ricard. Allez, d'ici quelques minutes, ça fera son effet et je pense que ce sera violent. Je vais me coucher, une bonne bassine. Oui, c'est pas plus mal. Ça, c'est une très bonne idée, c'est préférable. La meilleure idée. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et juste pour le plaisir. Et au cas où, si on vous le dit, Marc est toujours en vie. Ah, c'est ce que. Mais j'avais une vraie question. Parce que ça doit pas être facile, hein. Non, j'ai inventé. En fait, on n'en sait rien. Ça fait 15 ans que la vidéo a été publiée. Et depuis, il n'a plus rien publié. Non. Voilà. Ah, super. C'est peut-être un hommage qu'on fait en ce moment. Ah ouais. Allez, merci. Oh, je l'ai coupé. Je me suis trompé de tranche. Mais j'adore. Alors, mais oh là là. Attends, il y a un casque qui est à fond, là. Ouais, ouais, c'est quoi le casque? Attends, ouvre un peu ton casque, Maëva. J'ai l'impression que ça vient de chez toi. Wow, oh, c'est super. Bravo, Maëva. Mais ça va être le blindlet. Il faut être sûr d'entendre les sons. Comment tu veux que je gagne si j'entends pas? Mais ça va être le blindlet. Ouais, bah bravo. Oui, mais ça va, Maëva. Purée. C'est Jadoul. En podcast. The Music Machine. Votre machine. La Music Machine, comme chaque semaine, on prend des reprises qui viennent de TikTok. Et on doit retrouver les originaux, les musiques qui étaient à la base censées être... Et c'est pas facile. Mais attendez, je peux prendre un petit verre d'eau? Non, on n'a plus le temps là. Je tousse, vas-y, continue. Mais c'est pas un verre d'eau, c'est une bassine, qu'est-ce que c'est que ça? Maëva. Ça va beaucoup mieux. Ah bah voilà. Tu as des bonnes grosses burdes. Oh Maëva. Non, ça c'était pas moi ça. Mais c'était pas moi. Ça ressemble à ta voix. Non, allez. Tu ne le redis plus, hein, s'il te plaît, ne le redis plus. Tu as des bonnes grosses burdes. Bravo, bravo. On avait dit une fois par émission. Arrête. Maman. Faudrait me mettre tout un tir dans la machine. Pour arbitrer ce jeu. Maïté. Pas Maïté, un homme qu'on aime beaucoup, un homme qui a la fougue, un huissier de justice. Bonsoir, maître le feu. Vous m'avez fait peur. Allez. Il est pas bien, Derek? Non, c'est pas Derek, c'est Antoine. Je sais qu'il lui ressemble, mais c'est pas Derek. Ah. D'accord. Vous compterez les points de la soirée ce soir? La soirée ce soir. La soirée ce soir. Oui. Allez, allez. On démarre. Voici la première manche. Je crois qu'il est pour Maëva, sûr. Elle est remise de sa toux? Oui. On peut y aller, ça fait 10 minutes que ça a commencé. Hein. Oh non, c'était pas moi, ça c'était Kix. Maëva. C'est une rappeuse muette. Chris Rea on the beach. Wow. Underneath that moonlit sky. Wow. Take me back. Wow. T'es trop fort. On the beach. Cette musique est magnifique. Mais surtout que ce que dans le TikTok c'est la reprise. Ouais. Ça c'est la géo. Ouais. Parce que sur TikTok, c'est autre chose. Hein. Et un peu plus tard dans la vidéo, ça donne ça. Non, je déconne, c'est ça. On y va, deuxième manche, concentrez-vous. Jeannette Porque te vas. Franchement, la version TikTok. Merci Maëva. Était... Vincent Antoine. En français. Ça, c'est Jeannette, vraiment. Franchement, qualité. Hein. S'il vous plaît, mettre le feu, faites-nous un récap des points de toute l'équipe qui joue ce soir. Moi, je vais faire simple. Antoine a 2 points. Voilà. On y va, on se fait la troisième manche. Concentrez-vous, c'est parti. Ah oui, je l'ai pas allumé. Mais... c'est parti. Je revois la ville en fête oh là là. Et en délire. Suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires. Il oh, y a un doublon là. Qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent. Ils chantent bien Daddy Miles. Étourdis, désemparés, je reste là. En soudain, je me retourne, elle se recule. Et la comment veux-tu, comment veux-tu me, je l'ai jeté entre mes bras. Allez, vite. La bohème ? Non. Emportée par la foule. Ah, la foule, Edith Piaf. Emportée par la foule qui nous entraîne, écrasée l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Version KF, E. Ah, voilà. TikTok. Version TikTok. Emportée par la foule qui nous entraîne, écrasée l'un contre l'autre, ne formons qu'un seul corps. Je suis maître le feu. Allez, vite, on n'a pas le temps, maître le feu, on s'en fout. c'est combien, allez, vite fait. 1 point pour Maëva et 2 points pour Antoine. Muse, Uprising. Ouais, la version finale. Big kisses, everybody. Ah, c'était mec. I wish you a great day. Au revoir. C'est qui gagne le jeu, mettre le feu? Maëva et Antoine. Eh ben, on vous embrasse, félicitations Maëva et Antoine pour votre victoire. Des bisous, à très vite en podcast. Ciao. Ciao, ciao. Jadoul revient mercredi prochain.